بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله ومرحبا بكم. La dernière fois on avait parlé sur les أقسام des noms d'Allah عز وجل, comment les employer lorsqu'on parle de lui, et qu'on a dit que des fois on peut les citer individuellement. Et d'autres fois, il faut les citer avec leur contrepartie, pour ne pas que cela laisse apparaître un sens de défaut ou autre. Par exemple, Allah Azawajal, on peut dire As-Samia, parce que ça a un sens parfait dans l'audition, dans l'ouïe. Basir, Al-Alim, tout ça. Mais d'autres noms, comme par exemple Sifat al-Makr, ou plutôt, non, ça, il n'y a pas de nom de Makir, ça c'est une Sifat al-Makr. Mais par exemple, on expliquait Ad-Dhar An-Nafi'a. Ad-Dhar, on dit celui qui nuit. On n'appelle pas Allah Ad-Dhar tout seul. On l'appelle Ad-Dhar An-Nafi'a. Celui qui nuit et celui qui apporte profit. Les deux, on les cite ensemble. Et pas individuellement. Pour ne pas que cela laisse apparaître un mauvais sens. Et Kazalik, si, j'allais dire par exemple Al-Makr, qui est le fait de comploter. Yaqullah Azawajal, Yamkurun wa Yamkurullah, Wallahu khayrul makirin. Il complote et Allah complote et Allah est meilleur en complot. C'est-à-dire que Allah, on l'appellera pas Al-Makir, celui qui complote comme ça tout seul. Mais on dit que Allah Azawajal fait cela en contrepartie de ceux qui complotent. D'accord ? Ceux qui complotent, Allah complote contre eux. Ou de stratagème contre eux. En dehors de cela, on ne vient pas en disant tout seul Al-Makir. Non, parce que ça aurait un sens qui amènerait à un défaut. Voilà, Kaza. Tayyib. Yaqul. تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية. فما مثال صفات الذات من الكتاب. Donc il a dit تقدم, et là je pense que c'est une erreur de l'auteur, un wahm comme on appelle, qui a dit que on a déjà cité auparavant que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui sont liés à son essence et ceux qui sont liés à ses actes. Et ça c'est ce taksim, on l'a pas encore pris dans le livre, on n'en a pas encore parlé. Quoi qu'il en soit, comme il dit, les attributs sont de deux sortes. Sifat dhatiya sont les sifat qui sont liés à l'essence d'Allah Azawajal. Sont les sifat qui ne se séparent jamais de lui. La tanfak ani dhat. Ils sont toujours liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fi'liya, ce sont les actes, ou les sifat que Allah Azawajal, qui sont liés à des actes qu'il fait quand il veut, comme il veut. D'accord ? Ce sont des choses qu'Allah Azawajal fait comme il veut, et quand il veut. Et ça va apparaître, inch'Allah, à travers les exemples. Donc là, maintenant, il dit, c'est quoi les exemples de sifat liés à l'essence, al-dhatiyya, dans le kitab, dans le Coran. Mislaqullah azawajal, bel yadahu, mabsutatani. Il dit, mais plutôt, ses deux mains sont grandes ouvertes. Donc les mains, dans Allah azawajal, sont des sifat, dhatiyya, qu'elles sont toujours liées à Allah subhanahu wa ta'ala, à son essence, toujours. Kullu shayin halikun ila wajha, que toute chose sera amenée à périr, hormis son visage, sa face. Donc la face d'Allah Azawajal est une chose qui est liée à son essence. Toujours. Voyez ? Donc les attributs, on les affirme comme ils sont venus, sans chercher à les interpréter, ou à chercher un comment. Le comment nous est ignoré. On a déjà dit, les sakabis li ishe, il y a un qui est comme lui. Bon, Allah Azawajal parle de main, on sait ça veut dire quoi des mains. Il parle de visage, de face, on sait ce que ça veut dire. On n'interprète pas et on n'annule pas. Et tout comme on ne fait pas de ressemblance avec la créature. Yaqul, wa yabqa wajhu rabbika, zul jalali wal ikram. Et qu'il restera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et d'honorabilité, son visage. Donc voilà, vous les tous n'aura à la aïni, pour que l'arche soit construite sous mon œil, c'est-à-dire l'œil d'Allah Azawajal. Abusir bihi ou asmir. Comme j'entends bien et comme je vois bien. Donc plutôt, on traduirait comme il entend et comme il voit, de façon en s'exclamant. On s'exclame du fait en disant comme il voit et comme il entend. C'est-à-dire qu'Allah voit et il entend. Donc sa vue, c'est une sifat zatiya qui lie à son essence et son ouïe pareillement. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Il dit, Allah Azza wa Jalla, en parlant à Moussa et à Harun, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Et là, innani ma'akuma, je suis avec vous, ce n'est pas par son essence, mais comme le cite le verset, par son ouïe. et par sa vue. C'est-à-dire, je vois et j'entends. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Il sait ce qu'il y a devant eux, derrière eux, et ils ne sauraient le cerner par leur science. C'est-à-dire que Allah Azawajal, parmi ses attributs, Zatiya, Al-Ilm. Son ilm, Allah, est toujours lié à lui. وكلم الله موسى تكليما. Et que Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et ça, le kalem, on peut le mettre dans les deux. Dans le Zatiya, comme on le cite maintenant, également dans le Fi'liya, car c'est un acte qu'Allah Azawajal fait quand il veut, comme il veut. Donc ça va dans les deux. وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين. Lorsque Allah appela, lorsque ton Seigneur appela Moussa pour lui dire, rends-toi auprès du peuple d'injuste. Donc, al-nida, le fait d'appeler, c'est parmi les sifat d'Allah Azawajal. L'appel. Et qui revient au sifat du kalem, de la parole. طيب يقول ما مثال صفات الذات من السنة. Donc maintenant c'est quoi des exemples de ces attributs liés à l'essence tirés de la sunna dans les hadiths. قالوا صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Il a dit quoi, le Nabi صلى الله عليه وسلم, que le voile d'Allah c'est de la lumière, c'est-à-dire le voile qui le cache. Et que si jamais il venait à dévoiler, c'est-à-dire à ôter ce voile, alors cette lumière brûlerait toute sa création là où la lumière plutôt de son visage, là où ce serait sa vue dans sa création. Et la vue d'Allah Azza wa Jal atteint toute chose. Donc ça veut dire que tout serait détruit. Tout serait détruit. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يعوذ ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيد أو القبض يرفع ويخفض. Donc il a dit que la main d'Allah, sa main droite, est remplie et qu'elle ne sera jamais démunie par ce qu'il dépense le jour et la nuit. C'est-à-dire c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il donne et il dépense. Et le nafaqa, c'est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, avez-vous vu tout ce qu'Allah Azza wa Jal a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre ? Cela n'a rien retiré de ce qui est dans sa main droite. Et son trône est sur l'eau. Et son autre main, il saisit et il élève ou il rabaisse. Et là, il a bien dit « El-Ukhra ». Donc il y a un hadith dans le muslim où il dit qu'Allah Azza wa Jal est la main gauche. Et ce hadith a été remis en question. Dans un autre hadith, je crois que c'est Ibn Omar qui dit « Waqilta yaday yamin » que ses deux mains sont une main droite. Donc les deux mains d'Allah Azza wa Jal ont été son deux mains droites. Et la gauche, c'est un hadith qui est chaz. Qui a un rapport qui est marginal. Certains ulama l'authentifient, mais en réalité, ce hadith est shaz. C'est-à-dire qu'un rapporteur a rapporté ce que d'autres n'ont pas entendu, et qui sont aussi plus nombreux que lui, et aussi faibles que lui. Donc ça a été jugé comme étant marginal, donc non accepté. Donc Allah Azawajal a deux mains, et les deux sont les mains droites. Wa qulu sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yaghfa alaykum. Inna Allah laysa bi'awar, que Allah, rien ne lui échappe de ce que vous faites et que Allah n'est pas borgne. Et de là, les ulama, ils ont dit que s'il n'est pas borgne, le contraire, c'est qu'il est, il a deux yeux. Et là-dessus, il y a ijma, unanimité des gens de la sunna, que Allah Azza wa Jal a deux yeux. Et c'est dans ce hadith-là. Fi hadith al-istikhara, Allahumma in yastakhiruka bi'ilmik. واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا يقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. Dans le sens où le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, oh Allah, je m'informe auprès de toi par ta science et je te demande la capacité, pas justement que tu m'accordes la capacité par la tienne, et je te demande par ta grâce, car toi tu as la capacité est un moment que moi je ne l'ai pas. C'est-à-dire de savoir est-ce que ce que je vais faire c'est bon ou mauvais. Et toi tu sais alors que moi je ne sais pas. Et tu es le grand savant de l'invisible. Donc là également il dit bi'ilmik, ton savoir. Wa kudratik, ta capacité. Wa fadlik, ta grâce. Tout cela, c'est parmi les attributs d'Allah Azzawajal qui sont liés à son essence. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, innakum la tad'ouna asam wa la ghaiban. Tad'ouna sami'an basiran qariba. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Que vous n'invoquez pas ce que les sahaba avaient levé leur voix en invoquant. Il a dit, vous n'invoquez pas un sourd ou quelqu'un qui est absent. Vous invoquez celui qui entend tout et qui voit tout et qui est proche. Donc, lui est parmi ses attributs, la vue également, et la proximité. Allah, il est proche de nous. Donc, tout cela, c'est parmi les attributs d'Allah Azzawajal, al-Zatiyya, lié à son essence. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, iza arada Allahu an yuhiya bil amr, takallama bil wahi. Lorsque Allah Azzawajal veut donner un ordre, il parle à travers la révélation. Donc, le kalam, le parler, est parmi ses attributs, subhana. Et il y a plein de hadiths qui parlent de la parole d'Allah Azzawajal à ses serviteurs. Par exemple, il leur parlera le jour du rassemblement, il parlera au jour du paradis, et autres. Il y a plein de hadiths qui le prouvent que Allah Azzawajal parle. Et parlera également, après la mort, d'une voix que l'on comprendra et que l'on entendra. Comme a déjà fait le hadith, « Ma min ahadin illa yukallimu rabbuhu » Laissa bainahu wa bainahu turjuman, qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que Allah Azzawajal ne lui parlera. Et il n'y aura aucun interprète entre les deux. C'est-à-dire pour faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ce sera un kalam qui sera tout à fait compréhensible et clair pour nous. Naam. Thumma yaqul. Ma misal sifat al-af'al min al-kitab. Donc maintenant, c'est quoi les preuves, les attributs des actes. L'attribut des actes, que Allah Azzawajal, il a des actes. Et comme on l'a expliqué, ce sont des attributs. D'accord, des actes qu'il fait comme il veut et quand il veut. Mithl qawlihi ta'ala, thumma istawa ila as-samaa. Ensuite, il s'est élevé au ciel. Donc l'élévation, al-istiwa, c'est parmi les attributs d'Allah Azzawajal. Hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah. Est-ce qu'ils attendent si ce n'est que Allah vienne? Donc le fait de venir, al-itiyan, c'est parmi ses attributs. Et il vient lui-même. Et non pas interprété comme étant ses anges ou sa miséricorde ou autre. C'est lui-même qui viendra. Donc Allah Ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مُطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Il a dit qu'ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Et toute la terre, il la saisira le jour de la résurrection. Ainsi que les cieux seront pliés dans sa main droite. Donc le fait de saisir. D'accord? Cela est parmi les attributs d'Allah Azzawajal. Parmi les actes, les attributs de ses actes. Wa qulu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima kharaqtu biyadayya. Lorsqu'il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de ma main, en parlant de Adam. Donc la création de sa main est un acte. Et Allah Azza wa Jalla a créé Adam de sa main. Yaqul wa katabna lahu fil arwah min kulli shay. Nous avons écrit pour lui, dans les tablettes, toutes choses. Donc, Al-Kitaba, le fait d'écrire, également, est parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّا. Et lorsque son Seigneur se manifesta sur la montagne, il la pulvérisa. Donc, se manifester est parmi ses attributs. Et pulvériser également est parmi ses attributs. Qui sont liés à ses actes. إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Que Allah fait ce qu'il veut. Et autres. Donc ça, ce sont les adillah du Coran sur les attributs d'Allah Azzawajal liés à ses actes. As-sifat al-fi'liyya. Yaqul ma mithal sifat al-af'al min as-sunnah. Donc maintenant, c'est quoi les preuves de ces mêmes attributs dans la sunnah, dans les ahadith. Mithal qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yanziru rabbuna kulla laylatin ila as-samaa'i dunya hina yabqa ath-thuluth al-layl al-akhir. Que notre Seigneur descend chaque nuit au ciel de la dunya, au dernier tiers de la nuit. Donc Allah Azzawajal, il descend. Et il descend, d'accord, comme le dit le Rama, bizati, par lui-même. Mais de quelle manière? On ne sait pas. Mais la descente, on la comprend. D'accord? Ne pas commencer à chercher à vouloir être rationnel, comment il arrive à descendre à ce moment-là au dernier tiers de la nuit, alors qu'au Japon, c'est la journée, donc c'est-à-dire qu'il sera tout le temps au dernier tiers de la nuit, ainsi de suite. Là, ne cherchez pas un comment. Que l'on saurait le cerner par notre science, ce n'est pas possible. Ces choses-là ne sont inconcevables. Mais on a juste un approximatif par les termes, pour savoir de quoi ça parle. Mais le comment nous est ignoré. On ne peut le connaître. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Pour les gens qui viendront à poser des questions incommodes et indiscrètes, on dit cela ne te concerne pas. Est-ce que tu crois à leur descente? Oui, cela te suffit. Arrête-toi là. C'est tout. Yaqul, قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا que يوم القيامة الله عز وجل viendra auprès des croyants il se rendra auprès d'eux sous l'image qu'ils connaissent et il leur dira je suis votre seigneur ils diront tu es notre seigneur car au début Allah عز وجل leur apparaîtra sur une image qu'ils ne connaissent pas donc ils ne voudront pas accepter puis viendra sur l'image qui la connaissent, c'est-à-dire c'est l'image basée sur les attributs qu'il a cités de lui-même. Donc là, les croyants le reconnaîtront. Donc parmi ces attributs, que Allah Azawajel, il a une apparence, il a une image. D'ailleurs, Adam a été créé à son image. An Allah Azawajel, khalaqa Adam ala suratihi. Que Allah a créé Adam à son image. Maintenant, comment? On ne sait pas. D'accord? Son image, comment elle est? On ne sait pas. Mais Allah Azawajel a une apparence et il a une image. Il faut le savoir. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض فتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك que Allah va saisir au jour de la résurrection la terre ainsi que les cieux avec sa main droite et il dira c'est moi le roi donc le fait de saisir est parmi ses attributs et la main droite également ses attributs et attributs liés à son essence sifat al-zatiyya وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي Lorsque Allah Azawajel a créé la création, il écrit de sa main à son sujet, d'ailleurs sur lui-même, il a dit à son sujet, à propos de lui-même, que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc parmi ses attributs ici, on voit que la création, que Allah écrit, que Allah il écrit, que Allah bien dit avec sa main, il écrit de sa main, à la nefsi, que Allah il a nefs, d'accord? Et le nefs d'Allah, c'est son zat. Les ulama disent nefs Allah zatuhu, son essence. On y trouve également l'attribut de la rahma, de la miséricorde, et celui du radab, de la colère. Tout cela dans ce hadith. La création, l'écriture, la main, l'essence, la miséricorde et la colère. On fait hadith, ihtijaj Adam wa Musa, faqala Adam ya Musa, stafaka Allahu bi kalamihi wa khatta lakal torata bi yadihi. Lorsque il y a eu l'échange entre Moussa et Adam à propos de la sortie de Adam du Jannah. Adam, il a dit à Moussa, « Oh Moussa, Allah t'a élu et t'a choisi par sa parole, c'est-à-dire en te parlant à toi. Et il a écrit pour toi de sa main la Torah. » Que Allah écrit pour toi de sa main la Torah. Donc vous voyez bien, il y a également le kalem, l'écriture, la main. Et que Allah Azawajal également le kalem, on a dit le kalem, et que Allah Azzawajal, il élit parmi ses serviteurs. C'est à faire qu'Allahu bi kalami. À savoir que Allah également a parlé à Adam. Vous voyez? Il a parlé à Adam. Il y a d'autres anbiya. Mais Moussa a été particularisé par cela. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yabsutu yadahu bi layl liyatub musi al-nahar. Wa yabsutu yadahu bi nahar liyatub musi al-layl. Que Allah Azzawajal tend sa main la nuit afin que se repente celui qui a péché dans la journée. Puis il tend sa main dans la journée, afin que se repente celui qui a commis les péchés la nuit. Donc également on y trouve la main, et que Allah Azzawajal tend sa main. Et tout à l'heure on l'a dit dans le verset, « Bel yadahu mabsout atani » mais plutôt ses deux mains sont étendues et ouvertes. Ce sont des choses que l'on accepte, on doit y croire obligatoirement. Sans tactive, sans chercher de comment, sans tamsil, sans chercher à les représenter, sans tartil, sans chercher à les supprimer, sans tahrif, sans chercher à les interpréter. Et on ne peut interpréter les attributs que si on a une autre preuve de cette interprétation. Sans qu'on reste sur la base, on prend le texte sous son apparent. Ça, c'est la Qaïda chez les gens de la Sunna. C'est comme ça que on doit croire, c'est comme ça que croyaient les Sahaba. Ils n'ont jamais demandé le comment, le pourquoi. Et les salafs également étaient là-dessus. Non. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce dirs concernant les sifat, az-zatiyya, les attributs qui sont liés à l'essence d'Allah Azzawajal, dont il est toujours muni, et les sifat fi'liya, qui sont les actes d'Allah Azzawajal, qui fait comme il veut quand il veut. Non. Naktafi bi hadha al-qadr, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.